Veloutez l'amour pour moi, pour vous. Déposer l'envol, il pas jamais fait question. C'est comme si c'était moi de cas j'étais.